Riz sur le vif. Écoutez. Marie, dis-moi comment on peut classer les différents types d'eau. On distingue les eaux longs, les eaux plats et les eaux courts. Peux-tu me donner un exemple d'os long? Un os long, c'est par exemple le fémur. Répétez. Marie, dis-moi comment on peut classer les différents types d'eau. On distingue les eaux longs, les eaux plats et les eaux courts. Peux-tu me donner un exemple d'os long? Un os long, c'est par exemple le fémur. Écoutez. Jacques, donne-moi la définition d'une scoliose. Une scoliose est une déviation de la colonne vertébrale. Paul, la définition que Jacques a donnée est-elle complète? Non, il aurait dû préciser que c'est une déviation transversale. Répétez. Jacques, donne-moi la définition d'une scoliose. Une scoliose est une déviation de la colonne vertébrale. Paul, la définition que Jacques a donnée est-elle complète? Non, il aurait dû préciser que c'est une déviation transversale. Écoutez. Maman, tu peux m'aider? Je cherche un synonyme d'insolite et je ne trouve pas. Un synonyme d'insolite? Mais voyons, inhabituel. Répétez. Maman, tu peux m'aider? Je cherche un synonyme d'insolite et je ne trouve pas. Un synonyme d'insolite? Mais voyons, inhabituel.